Le ciel est bas, morne, insipide, et rien ne brille au firmament. Sur le boulevard d'un pas rapide, les gens passent indifférents. Et moi, je vais la tête vide, tremblant de froid, les membres lourds, courbant le dos, le front livide, et mon cœur frappe à grand coup chaud. Je suis dans la dèche, je n'en peux plus, je voudrais dormir, j'ai même plus de prêche, j'ai le cœur tout vide, les mains toutes rêches. Je suis dans la dèche, je n'en peux plus. J'ose pas rester dans les lumières, les gens me regardent d'un air curieux, et dans le brouillard, les réverbères rigolent de tous leurs petits yeux. Faut l'habitude de la mistoufle, ça s'apprend pas comme ça d'un coup. J'ai peur du bruit, du vent qui souffle, j'ai peur des hommes, j'ai peur de tout. Je suis dans la dèche, je n'en peux plus, je voudrais dormir, j'ai même plus de crèche, j'ai le cœur tout vide, les mains toutes raides. Je suis dans la dèche, je n'en peux plus. Je m'arrête un peu, les jambes lourdes. Un homme approche, comme il fait noir. J'ose tendre la main, parce que je suis gourde. Il me prend pour une fille de trottoir. Et dans la nuit, je pars maudite, sans savoir où mène mes pas. La rage au cœur, je vais plus vite. Tiens, de l'eau qui coule, là, tout en bas. Et là, la porte, tout doux, tout doux. Ça colle là dans ma peau caboche. Hop. Dans la flotte, qu'est-ce que